Bonjour à tous, vous en avez pris l'habitude, vous êtes bien dans le podcast de la critique du cinéma vu par des scénaristes. Mais pour une fois, je vais faire une petite parenthèse et vous parler un peu de télé. Les guignols de l'info ne sont plus. 30 ans d'une quotidienne d'humour, quand on y pense, c'est absolument incroyable. Rendez-vous compte que Giscard a survécu aux guignols. Je dis donc adieu à PPD, dont j'entendrai probablement la voix toute ma vie. Je dis adieu à Johnny, à sa boîte à coucou. Je dis adieu à Richard Virin, qui a son, à l'insu de son plein gré, qui est rentré dans le langage courant. Je dis adieu à Papin, dont le guignol faisait à lui seul monter les chiffres de vente de cacolac. Je dis adieu à Ben Laden, qui a réussi à nous rendre le terrorisme international un peu moins dramatique. Je dis adieu à Tout à fait Thierry, de Jean-Michel Larquet, qui a été chanté dans un stade entier. Je dis adieu à Pierre Fula et à son Ici à Nagano. Je dis adieu à Decaune et à ses saucisses. Je dis adieu à Sylvestre et à sa World Company. Je dis adieu à Moujotte et à sa carotte dans le cul, je sais, vous en avez marre. Je dis adieu à Alain Delon, et il vous en prie. Je dis adieu à Jacques Chirac, le guignol au-dessus des autres. À force de vous voir tous les soirs, vous étiez presque devenus des amis. Pour moi, il y avait deux programmes que je ne voyais jamais s'arrêter, les Simpsons et les guignols. En voilà un de parti, et en partant, c'est un morceau de mon adolescence qui s'en va avec. Merci de m'avoir écouté, je sais que c'était un peu long. Mais sinon, bienvenue dans C'est quoi le pitch, épisode 8. Ce que Star Wars a fait en 30 ans, on vient de le faire en 16 semaines. Un programme italo-américain aujourd'hui avec Ocean 8, Sicilian Ghost Story et Sans un bruit. C'est Guillaume au micro et pour débattre de tous ces films, j'ai autour de la table mes petites guignolettes d'amour, à savoir Marine, Rumix, Sarah, Fiona et Camille. On va passer assez vite sur les messages puisqu'on n'a reçu qu'un seul cette semaine. Un certain Guillaume de Paris qui veut revenir sur la critique de Jurassic Park en disant qu'on avait bien raison de dire que c'était mal écrit, mais qu'on a oublié de mentionner le traitement de Blue par rapport au Raptor, qui est traité comme un véritable personnage de film d'action des années 90 en sautant à travers des vitres pendant une explosion. D'ailleurs, comment a-t-il su que le gaz allait exploser? Il y avait beaucoup de gazinières il y a 60 millions d'années. Ce cher Guillaume aimerait aussi revenir sur le nouveau dinosaure qui casse encore plus le quatrième mur que Deadpool quand il fait semblant d'être évanoui et qu'il fait presque un clin d'œil à la caméra. On se trouverait dans Truman Show quand sa femme se tourne vers la caméra et fait la promotion d'un cacao et que Truman lui dit « Mais enfin, mais à qui tu parles ?» J'adore cette scène. Il finit par nous dire, je cite, « Vous êtes super, je vous aime tous, surtout toi Guillaume, même si tu as tendance à être narcissique au point d'écrire toi-même le courrier des lecteurs. » Eh bien merci Guillaume pour ce message, et on vous rappelle que vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de C'est quoi le pitch. Avant de commencer, on vous rappelle que ce podcast est 100% spoil, et que chaque intervenant ayant le malheur de dire le mot truc entendra cette sonnerie et se verra retirer la parole immédiatement. On commence par Ocean 8, écrit par Gary Ross et Olivia Milch, qui écrit en ce moment un film sur Barbie. Voilà. Il faut le savoir. Et c'est Fiona qui nous pitch. Après 5 années passées en prison, Debbie Ocean retrouve sa liberté. Debbie Ocean, qui est la sœur de feu Danny Ocean. Et elle s'apprête à monter un coup qui semble impossible à réaliser, cambrioler dans le même temps 3 grands casinos pour une jolie somme, 250 millions de dollars. Ah non, pardon, c'est pas ça. Un coup qui semble impossible à réaliser, voler une parure Cartier qui n'est jamais sortie du coffre-fort et qui vaut la jolie somme de... Ah si, ça c'était bon, 150 millions de dollars. Debbie souhaite également récupérer Tess, sa bien-aimée. Non, pardon. Elle souhaite également se venger de son ex qui l'a envoyée en tôle il y a 5 ans. Pour ce faire, avec sa meilleure amie blonde Brad Pitt, Kate Blanchett, peu importe, elle compose une équipe de 10 délinquantes maîtresses dans leur spécialité afin de commettre leur crime lors du gala le plus en vogue du pays, le gala du Met. Bijoux, robes de soirée, vernis à ongles et bouquets de stars sont au rendez-vous pour ce Ocean's Eleven au féminin, absolument pas cliché puisque, elles sont malines quand même, pour des filles. Oui, donc tu le dis, c'est la version féminine de Ocean's 8. On avait eu la version féminine de Ghostbusters, la version féminine des Trois Frères, et là on a la version féminine de Ocean. Mais est-ce que le fait que ce soit des filles, ça apporte quelque chose sur le point de vue scénaristique, déjà, Fiona? Alors, comme je l'implique un peu dans le pitch, c'est le même film que Ocean's Eleven, en moins astucieux, en moins drôle, en moins bien pensé, et qui s'adresse exclusivement, enfin vraiment, qui est pensé pour des femmes, dans le sens où, bah voilà, au lieu de faire un casse dans les casinos, on va faire ça dans un gala de stars. Au lieu de voler donc de l'argent, on va voler un bijou. Tout est adressé. Pendant le casse, elles se font les ongles. Elles vont sur Tinder. Voilà, mais on essaye de nous faire croire que c'est féminin, mais pas cliché, parce que ben justement, quand même, elles sont vachement intelligentes, elles sont vachement malines, et alors qu'en plus, ce n'est pas vrai, parce que le plan est plus que bancal. Oh, il est quasiment parfait, son plan, en fait. Est-ce que je peux... Alors, j'ai pris quelques notes là-dessus. Voilà, alors je vais vous exposer les prémices nécessaires afin que le plan scrupuleusement prévu depuis 5 ans en prison fonctionne, et puis c'est à vous de juger le caractère certain ou aléatoire de chaque étape. Mmh. D'accord ? Donc c'est l'avant-plan quand même. Donc la première chose à faire, c'est sortir pour bonne conduite un mois avant le gala du Met. admettons. Espérer que la star principale du gala n'ait pas encore de couturier pour le jour J. Trouver une créatrice de mode qui plaît à la star principale et qui ait assez de soucis financiers et judiciaires pour accepter de devenir une criminelle dans un coût de 150 millions de dollars avec des reprises de justice. Convaincre Cartier de sortir du coffre un collier jamais exposé d'une valeur de 150 millions de dollars le temps d'une soirée avec pour seul argument donné par la créatrice givrée. Ça vous fera de la pub et puis vous en avez besoin parce qu'aux USA on prononce mal le nom de la marque. Et s'ils disent non, le plan B infaillible c'est de le dire en français. Et du coup, Cartier est OK, c'est forcément. Ensuite, il faut aussi faire embaucher une nana dans la boîte qui organise le gala à 3 semaines de l'événement et à un poste super important vu qu'elle coordonne à peu près tout, même tout. C'est la chef du projet. Elle vient d'être embauchée par miracle par la boîte 3 semaines avant. Bref. Puis il faut donner un faux coupable. Du coup, il faut pour le faux coupable à inculper, il faut faire en sorte que la star invite au gala comme cavalier l'ex dont on veut se venger, alors qu'ils ne se connaissent absolument pas. Hein, ils les font se rencontrer au pré-repas du Met en espérant que la star, juste parce qu'elle est à côté de lui, elle va lui dire « Ah ben, sois mon cavalier pour le gala ». Donc voilà, ça c'est quand même infaillible comme plan. Ça fait beaucoup. Ouais. Et évidemment, il faut faire en sorte que Rihanna soit en 7e année à Poudlard, puisqu'elle peut éteindre les lumières d'un immeuble en 2 clics sur le portable de débit. Franchement, Voldemort, gare à tes fesses parce que Rihanna arrive. Attends, il y a Rihanna dans le film ? je l'ai raté. C'est Nineball. Ah, c'est Rihanna, elle. Ok, ouais. D'accord. Ouais. En fait, non, c'est Nineball. Ok, oui, Camille, qu'est-ce que t'as pensé de ce film ? Moi, j'ai trouvé que c'était ça se laissait se regarder. Voilà. Oui, je suis aussi désolée, mais même si le plan marche, en fait, c'est sympa. Oui, c'est très girly, mais je me suis pas ennuyée pendant ce film. Et pour moi, le gros problème du film, ce n'est pas tant parce qu'il y a plein de blagues et de répliques et tout ça. Le gros problème, c'est qu'il n'y a aucun antagoniste. Ils n'ont aucun problème. Ça, c'est tout le long du film. Tout se passe très bien. Ils ont des mini-obstacles sur une ou deux scènes qui s'arrêtent immédiatement après. Mais sinon, ça remplit ce que c'est censé faire, c'est-à-dire que ça se laisse regarder. Mais ça, et t'as pas l'effet de surprise par rapport à Ocean's Eleven, je suis d'accord avec toi, mais dans Ocean's Eleven, ils n'avaient pas spécialement énormément de plus de conflits que ça. Tout se passe bien aussi. Ils ont un antagoniste qui est, comme je sais pas comment il s'appelle. Andy Garcia. Oui, voilà, merci. Là, il y a vraiment un duel, en fait. Alors que là, puisqu'ils ont voulu faire un truc peut-être juste de filles. Aïe. Merde. Merci. Oui, non, mais attends, ils ont antagoniste, ils ont l'ex de Sandra Bullock et ils ont l'assureur, qui est en fait le vrai antagoniste qui arrive dans un 4e acte que j'avais pas vu venir. Parce que moi, ce que je demande en premier à ce genre de film, c'est de me faire avoir. Et de temps en temps, je me suis fait avoir dans ce film. Souvent, je me suis dit, mais pourquoi ils font ça ? Ça n'a aucun sens. Et en fait, c'est expliqué après, Fiona. Alors, moi, je suis d'accord avec Camille dans le sens où c'est pas nul comme film. C'est pas déplaisant à regarder, c'est plutôt divertissant. Nul, mais pour moi, c'est vraiment une fade copie de Ocean's Eleven et à choisir regarder Ocean's Eleven une deuxième fois. Pourquoi c'est une fade ? Pourquoi c'est fade comparé à Ocean's Eleven ? Parce que Ocean's Eleven est arrivé avant Ocean's Non, mais Eight. Honnêtement... Parce que c'est des hommes. C'est parce que déjà c'est des hommes, et donc c'est tout de suite beaucoup plus intéressant. Non, mais parce que je trouve qu'il y avait beaucoup plus de technique dans leur plan. Avec les caméras, ils jouaient plus d'action, plus de danger. Il y a toute une action avec les caméras. Il y a toute une avec les caméras pour créer un angle mort. Mais là, tu dis que c'est une copie cachée, là tu dis que c'est pas la même chose. Oui, fade. Non, mais au niveau de la technique, le plan était mieux rodé avec Ocean's Eleven qu'avec Ocean's 8. Vraiment, ça repose. Ils étaient trois de plus. Hein. Ça repose sur beaucoup trop d'événements aléatoires pour que j'y croie. C'est un peu le même film en moins bien. Donc du coup, ça m'intéresse pas. Alors effectivement, j'étais assez surprise au début. Donc il y a cette scène où ils font l'échange du collier dans les toilettes et je me suis dit, qu'elle l'échange tout de suite avec le faux collier. C'est complètement débile de faire semblant que le collier disparaisse, etc. Mais en fait, ok, là aussi ils m'ont eu. C'est parce qu'ils créent une diversion pour cambrioler le reste du musée. Ça, j'ai bien aimé. Je trouvais ça pas mal. Mais quand tu dis que l'antagoniste, l'assureur, n'est pas vraiment un antagoniste, parce qu'il roule quand même avec elle à la fin. Non, à la fin, il voit qu'il est bloqué. Ça reste un mec. Je pense que ce personnage est bien écrit. Je crois que c'est un mec qui fait des one man show. Oui, il est bien écrit. Il est vraiment intelligent. Il est probablement aussi intelligent qu'elle. Et à la fin, elle lui offre une échappatoire en disant je sacrifie un morceau du diamant et comme ça tu vas pouvoir manger. Et c'est comme ça qu'il peut. En plus, il arrête l'enquête. Elles sont libres et en plus, il arrête son ex. Oui, Camille. Pour moi, en fait, le véritable antagoniste, celui qui aurait dû être l'antagoniste, c'est l'ex de Debbie. Et en fait, si elle est en prison, donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, si Debbie a passé 5 ans ou plus en prison, c'est à cause de lui, parce qu'il l'a roulé. Et en fait, elle l'utilise, mais il est vraiment comme un pantin. Pas une seconde, il se doute du plan. En fait, il est complètement passif. Alors c'est dommage. Alors qu'il la voit au gala. Hein. Oui. Oui, alors qu'il la voit au gala, il pourrait, en fait c'est lui le véritable, ça aurait été un super antagoniste, mais je sais pas, ils sont passés à côté parce que peut-être qu'ils ont pas voulu faire femme contre homme. Oui, mais je sais pas, en plus c'est ça, là ils reprennent des mécaniques, par exemple justement le fait que Danny Ocean il était aussi dans le casino pendant le casse, parce qu'il avait aussi son petit rôle à jouer, mais les gens savaient qui il était et le danger qu'il pouvait y avoir. Ce qui marchait. Ils reprennent vraiment les mêmes codes. Ce qui marchait très bien dans Ocean Eleven, c'est que justement Danny avait une vraie influence dans le casino. Non seulement il trompait Bénédicte en lui disant je suis là, je me fais casser la gueule, mais en plus il va physiquement faire le braquage. Là, Sandra Bullock ne sert quasiment à rien pendant le braquage. Elle, je crois qu'elle détourne l'attention d'un garde en parlant allemand, je crois, ou russe, je sais plus, pour détourner l'attention pendant que le chinois vole, mais elle sert pas à grand chose. Elle bloque l'entrée au moment où Kate Blanchett va voler les autres bijoux. Enfin, n'importe qui aurait pu le faire. Mais d'ailleurs, en plus, Kate Blanchett elle invente le plan aussi. Moi, je trouve que Kate Blanchett a pas non plus un rôle très important là-dedans. Elle est très fade. Son personnage est fade aussi. Donc, celle qui joue Lou, la meilleure amie. Moi, je suis pas d'accord. Pourquoi tout d'un coup tu t'acharnes? Si t'avais vu Ocean's 8 avant Ocean's 11, t'aurais dit Ocean's 11, c'est exactement la copie conforme de Ocean's 8. Je suis pas d'accord parce que justement, je me dis, si t'as vu aucun des Ocean's, je pense que tu te dis, c'est sympa, c'est marrant, c'est astucieux, etc. Mais quand t'as vu Ocean's 11, il est vraiment plus fun. Enfin, un des problèmes de ce film, c'est que chaque conflit qu'il pose est systématiquement résolu dans la scène d'après. Ah, exactement, mais même ça, le vrai problème du film. Non, oui, je suis d'accord. Typiquement, parce que c'est drôle, dans les deux films, sont drôles. Typiquement, la scène où ils ont un problème, on va retirer le collier, mais il y a une super sécurité, il y a un aimant, c'est incroyable de l'enlever. Ah bah tiens, bah, j'ai ma sœur, elle sait faire des faux aimants pour lui enlever. C'est ridicule. Genre, 5 secondes après, c'est fini. Dans le métro, elle le fait dans le métro, elle le ramène, etc. Mais pareil, c'est dommage, c'est un moment. Elena Bonham Carter, elle a ses lunettes infrarouges pour faire une copie, un scan du collier qui doit se charger à 100%. Donc du coup, elle doit regarder longtemps le collier devant le quartier, devant les gens de quartier autour. Et à un moment, j'aurais voulu qu'il ferme la boîte à 97%, qu'il leur manque 3% de cette image à reconstituer en disant il faut des petits. Il y a vraiment tout se passe comme sur des roulettes, alors que le plan n'était pas du tout fait pour rouler sur des roulettes. Chaque scène avait quand même son utilité, sauf justement ce que tu parlais tout à l'heure, celle de la scène Tinder, qui ne sert à rien, parce que même il y a une scène où Kate Blanchett achète un sous-marin, je me dis mais pourquoi elle achète un sous-marin, mais ça sert après la scène Tinder, je crois que c'est la seule vraiment qui ne sert à rien dans le film. Sinon, on peut dire quand même que niveau pay-in pay-off, alors ok, ça sert la scène d'après, mais c'est plutôt bien fait. Alors pour les gens qui connaissent pas un pay-in pay-off, c'est quand on implante un élément et dont on se resserre plus tard dans l'intrigue. Exactement. Et alors, un dernier mot quand même sur le fait qu'ils font appel à un homme pour finalement faire le plus gros casse, alors que c'est censé être un... Non mais je demande, je suis entouré de filles, j'en profite. Est-ce que ça vous a gêné, ça vous a pas gêné que finalement il fait appel aux Chinois qui étaient déjà dans les trois premiers Ocean pour aller voler finalement tous les bijoux? Non, c'est ridicule cette question. Ok, bon, ça c'est fait, d'accord. Peut-être un autre avis. Cette question n'est pas ridicule, c'est juste que... Merci, est-ce qu'on a besoin... Voilà, si tu veux aller au bout du concept... Il aurait mieux valu que ce soit une nana. Mais en vrai, quelle est l'utilité de faire des Ghostbusters masculin-féminin, Ocean's 11, masculin, Ocean's 8, féminin? Faites-nous des films mixtes directement. Arrêtez de nous faire des castes de personnages comme ça et de les mettre en avant. Okay, après, c'était le mec qu'ils ont utilisé là pour le gros cast, c'est le même qui était dans Ocean's 11, donc c'est un clin d'œil en fait. Je viens de le dire. Ah bon, Camille. C'est stupide ta remarque. Ouais, j'avoue, là, j'admets. Allez, on termine là. Tour final sur ce film, Fiona ? Divertissant, mais décevant quand on a aimé Ocean's Eleven. Ils auraient pu vraiment faire mieux et se casser plus la tête. Ok, d'accord. Camille ? Divertissant. Ok. Écoutez, moi, je vais finir sur au début du film, quand même, elle sort de 5 ans de prison. C'est clairement la prison, il y a une aile spécifiquement réservée à la chirurgie esthétique, parce qu'elle sort, mais de botoxée, de manière, je l'ai à peine reconnue, son visage est un vase. Le dernier plan, je finis sur un gros plan d'elle où elle est devant la tombe de son frère qui, évidemment, n'est pas mort, et font des gros clins d'œil en disant. Et c'est vrai que si on y pense, c'est Ocean 8. Pourquoi ils ont choisi 8? C'est pour faire le 9 et le 10. Ouais, bah évidemment. Pour reboucler sur le 11, donc on va avoir le droit à deux suites, oui. Et justement, je me suis dit, elle est en prison, elle fait aller à sa. sa prise de parole pour sortir. Elle est tous maquillée, elle est magnifique. Non mais ça encore à la limite. Ouais, on a vu, ça, on a pu se maquiller, etc. Enfin, mais par contre, j'ai bien aimé la scène de caractérisation quand elle sort de prison et qu'on voit comment elle est filoute au niveau de Mariono. Et j'adorais cette astuce de sortir les flacons en disant je veux rendre ces produits que j'ai achetés, mais j'ai pas le ticket de caisse. Ils disent ah non, c'est impossible. Elle râle, elle fait un peu le scandale, genre vraiment, je les ai pas touchés, ils sont pas ouverts, Il fait bon bah ok, je les reprends. Alors qu'en fait, elle les avait pris dans les rayons pour les mettre. Et ça, je trouve ça vraiment très malin. Il faudrait essayer. Mais c'est vrai que c'était malin. Voilà. Ok, allez, on arrête là. On passe à Sicilian Ghost Story, écrit par Fabio Grassodia et Antonio Pizza, et c'est Rumix qui nous le pitch. Alors, Sicilian Ghost Story, c'est un peu le mythe de Roméo et Juliette, revisité dans le monde cruel et impitoyable de la mafia sicilienne des années 90. C'est un peu aussi le mythe d'Orphée et Eurydice, sauf que c'est Eurydice qui braverait le royaume des morts pour aller chercher son bien-aimé, et non l'inverse. C'est l'histoire de Luna, 13 ans, qui refuse la disparition de Giuseppe, son camarade de classe dont elle est amoureuse. Giuseppe est le fils d'un membre de la mafia qui aurait été un peu trop bavard, comprenez, qui a balancé quelques noms à la police. Et c'est pour cette raison que le jeune Giuseppe va être kidnappé en signe de représailles. Mais les jours passent et personne ne semble se soucier du sort de Giuseppe, pas même sa famille. Personne, à part la fragile et rêveuse Luna, qui décide de se rebeller contre la loi du silence au péril de sa vie. Et pour retrouver celui qu'elle aime, Luna remuera ciel et terre et naviguera entre rêves et cauchemars, réalité immonde et imagination débordante, bêtes humaines et fantômes en détresse. Mais quelle envolée lyrique extraordinaire, Rumix. Qu'as-tu pensé de ce film ? Eh bien, comme tu l'auras compris, j'ai beaucoup aimé ce film. En fait, ce que j'ai particulièrement aimé, et en même temps que j'ai trouvé très troublant, c'est que j'ai eu l'impression d'avoir affaire à une écriture de série. Parce que le multi-point de vue est assez bien exploité, j'ai trouvé, parce qu'on passe du point de vue de Giuseppe, donc qui est kidnappé, et celui de Luna, et c'est comme des petits segments qui sont cliffés à chaque fois, et ça m'a fait penser à une écriture en épisode, et du coup j'ai trouvé que tout ça crée une tension et un rythme, et qu'il y avait une connexion qui se crée entre les deux, et voilà, enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé au niveau de l'écriture, mais je garde mes autres arguments positifs pour tout à l'heure. Sarah, je t'ai vue outrée de... Non, je suis pas d'accord sur l'histoire de l'écriture comme serait écrite une série. Au contraire, je trouve que justement il y a un manque de tension dans le film, que c'est des plans qui sont très longs, qui sont très oniriques, mais c'est pas parce qu'on fait des beaux moments oniriques, ou en tout cas j'ai l'impression que c'était l'objectif du réalisateur, qu'on peut pas faire un film avec plus de suspense et plus de tension. Comme par exemple, après je me rappelle pas bien, mais Eternal Sunshine of the Spotless Mind, il y avait plus un time lock avec quelque chose. Moi je pense que c'est ce qui m'a manqué dans le film, c'est vraiment, dès le début en fait, on s'ennuie un petit peu parce que ça démarre très très lentement. Il y a un long plan sur une cave avec de l'eau, un hibou, et on a l'impression que c'est un réalisateur qui fonctionne par symbolique mais qui prend pas par la main le spectateur pour l'emmener dans une histoire, et moi je me suis sentie très extérieure au film tout du long. Oui, Fiona. Je suis tout à fait d'accord avec Sarah. En fait, les intentions, je pense, sont bonnes dans le film, mais les plans durent des heures. Mon Dieu, tu vois une rivière, mais pendant... Non, mais parfois, j'ai regardé ma montre. Ça, 3 minutes de rivière. 3 minutes, c'est long. Hein. 3 minutes, c'est long, hein, vraiment. Hein. 3 minutes d'arbres. C'est pas vrai. Tu n'aimes pas la nature, c'est pour ça. Non, mais voilà, 3 minutes de ciel. À un moment, j'ai dit oui, non, d'accord, j'ai compris. Le ciel, c'est beau, les arbres, c'est beau, tout est beau. L'histoire d'amour est belle, très bien. Il a disparu, c'est triste, bon. Mais c'est juste trop lent. En fait, tu pourrais le ramasser. C'est peut-être une série, effectivement. Une écriture de série, ça peut tenir en une demi-heure. Le film, je trouve. Attends, Marine. Ouais, moi je rejoins assez ce que vous dites. En fait, j'ai cherché longtemps ce qui me dérangeait en fait vraiment dans le film, parce que j'ai effectivement, comme Sarah, j'arrivais pas à rentrer dedans, j'étais très extérieure. Et en fait, je trouve que là où j'ai lâché, c'est le moment où donc Giuseppe a disparu depuis très longtemps, parce que d'ailleurs même en termes de chronologie. On ne sait pas vraiment combien de temps. Ça a l'air de durer quand même des années. Parce qu'on, deux ans, je crois, en tout. Bah, dans la, tout c'est adapté d'une histoire vraie. En fait, le gamin, il a été kidnappé pendant trois ans. Mais juste là, une petite parenthèse. Je trouve que c'est pas mal fait, ça, au niveau des chevaux. Je trouve que c'est plutôt pas mal foutu. Pour au lieu de t'écrire deux ans plus tard, de te montrer l'évolution par les cheveux de la gamine, etc. Parce qu'à un moment, elle se rase la tête. Et puis après, tu vois ses cheveux qui repoussent. Mais là où moi, j'ai lâché, c'est le moment où... Donc elle essaye de se suicider et là on passe dans un truc extrêmement onirique. Remix. Alors justement, je suis visiblement la seule à avoir aimé ce film. Tu parlais de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, mais on est dans une histoire avec des adultes. Or là, moi ce que j'ai trouvé particulièrement bien exploité, c'est que oui, il y a un décalage, oui, il y a quelque chose, il y a un onirisme qui est peut-être un peu trop poussé, mais on est tout le temps, pour moi, du point de vue adolescent, et c'est ce qui participe du fait qu'il y a des choses qui sont peut-être disproportionnées. Je dis pas que le film n'a pas de faiblesse. Le personnage de la mère, par exemple, je le trouve un peu trop caricatural. On dit, en plus, elle est filmée d'une façon où on a vraiment l'impression que c'est la mégère dans Blanche-Neige. C'est un peu folle coche. En fait, ce décalage, cette exagération des choses, je l'ai vraiment ressenti comme du point de vue adolescent. Reprendre ce que tu dis, c'est disproportionné. Justement, moi, c'est ça qui m'a dérangée. C'est qu'il y a trop, c'est trop lyrique. On a l'impression qu'ils veulent enrober un peu les choses parce que, en fait, l'histoire vraie, elle est tellement glauque. Enfin, vraiment, je sais pas si vous avez lu un peu cette histoire. Enfin, le gamin, c'est horrible ce qui lui est arrivé. Et sa détention était beaucoup plus hard que ce qui te montre dans le film. Et en plus, il s'en sort pas, hein, parce que vraiment, à la fin, il est mort. Et on a dans l'impression aussi, hein. qu'ils ont essayé d'enrober un peu ça et de partir dans l'onirisme parce que il faut pas non plus trop toucher. Et moi, j'ai lâché à ce moment-là quand elle essaye de se suicider, parce que là, on bascule complètement dans l'onirisme, dans des choses qui ne sont pas réelles. Et ensuite, tu reviens dans le réalisme. Donc, c'est disproportionné. J'ai trouvé ça mal géré. J'arrivais plus à suivre. Vraiment, ils m'ont complètement perdu à ce moment-là. Juste le début. Moi, alors c'est vrai qu'il y a un très très long plan au début sur la cave. Là, c'était très long. Mais le début, la manière dont est traité l'enlèvement du garçon, j'ai trouvé ça super parce que c'est que de son point de vue, comme tu dis, d'adolescente. Il a disparu. Elle se souvient ensuite ce qui s'est passé. Enfin, il n'y a aucun point de vue d'adulte, aucun point de vue de flic, aucun point de vue vraiment de personne majeure, adulte qui pourrait aider à comprendre et faire et qui ait une enquête, etc. Et ça, j'ai trouvé ça hyper original et très très fort que ce soit de son point de vue. Justement, te donner la parole, Sarah, je pense que justement, c'est fait exprès le côté onirique. On ne sait même plus ce qui est vrai, ce qui est faux, parce que moi, à la fin, je n'ai pas compris s'il était morte ou s'il était vivante. Si le dernier plan où il est sur la plage avec tous ses amis, pour moi, il laisse, mais en plus, il voit quelqu'un plonger à la fin, il se dit, ah, c'est peut-être mon copain. On ne sait pas si. Enfin, moi, je n'ai pas compris si c'était vivante ou si elle était morte. Oui, Sarah. Oui, non, ce que je trouve réussi, comme tu disais, c'est les deux gamins, vraiment, Giuseppe et Luna. Ils veulent à tout prix nous faire tomber amoureux d'eux. Et c'est vrai qu'ils sont quand même très touchants, ils sont très purs. C'est vraiment la pureté de l'enfance face à la loi du silence des adultes. Ça, c'est vrai, ça c'est assez bien fait dans le film. Là où il y a un vrai problème de narration, comme tu disais, Marine, sur l'onirisme versus le réalisme, c'est qu'en fait, la séquestration de Giuseppe est toujours traitée d'un point de vue extrêmement réaliste et glauque. En fait, il est vraiment dans une cave où il se laisse dépérir et nous, on souffre avec lui. Alors que de l'autre côté, on a Luna et là, on part vraiment dans sa tête. Et à partir du moment où elle n'arrive pas à faire évader, enfin, ou en tout cas à secouer les gens sur la disparition de son amoureux, en fait, on suit au rythme de ses tentatives de suicide, on part vraiment dans ses délires, quand elle plonge dans le lac, quand elle pense qu'elle peut retrouver la cache où il est enfermé, et en fait, on a un déséquilibre entre les deux, je trouve. Attends, Fiona. Non, mais c'est juste par rapport. On dit que tout est extrêmement réaliste du côté de Giuseppe, c'est vrai, mais il y a quand même un moment quand il lit la carte qu'elle lui a écrite. Où il arrive à rêver. Il lui dit « je n'arrivais pas à rêver » et en fait, à cause peut-être de cette détention, il se met à rêver, il commence à s'échapper avec le rêve comme protection. Oui, Fiona. Je crois que c'est ça, moi, le problème que j'ai avec ce film, c'est le rêve, en fait. On te montre des scènes de rêve tout le temps et du coup, il n'y a pas d'évolution, on est dans leur tête, ils n'évoluent pas. Elle, on la voit au début, effectivement, se dire où il est, on se dit « elle va tout faire ». elle va tout faire pour le sauver. Ben non, pas vraiment, parce qu'elle ne peut rien faire, effectivement. Et on voit sa tête, ses fantasmes et ses rêves. Mais elle est folle du début jusqu'à la fin. Elle bascule dans la folie. C'est peut-être ça l'évolution. Elle bascule dans la folie de plus en plus. C'est ça l'évolution. Mais dramaturgiquement parlant, c'est pas super intéressant et c'est pas très fort. Je voudrais rebondir parce que je suis complètement d'accord avec Fiona et je pense que c'est ça qui aurait pu faire que le film aurait été, en fait, mais je pense que c'est pas du tout ce qu'ils voulaient, hein, dans l'intention, mais beaucoup plus tragique et beaucoup plus émouvant. C'est le côté, en effet, ils ont abandonné. C'est-à-dire qu'elle fait des tentatives de suicide et lui, très rapidement, il se laisse mourir. Il fait aucune tentative d'évasion, aucune tentative de... Il a fait de... une toute petite. Minuscule, il veut juste voir la mer, on le remet dans le coffre tout de suite. Et en fait, c'est glauque. Enfin, il y a en fait un personnage qui a abandonné son objectif. C'est très compliqué pour toi de vouloir le voir jusqu'au bout. C'est ça que je trouve qui ne fonctionne pas. Et donc, dans les suggestions pour redonner un peu de punch au film et nous maintenir en haleine jusqu'au bout, je pense qu'il aurait fallu plus développer tous les rôles. En fait, le rôle des parents qui sont juste là en train de pleurer. Voilà, ils sont inexistants. Elle essaie de leur parler, Lou. Ils lui répondent pas. Le rôle du père qui abandonne son fils, on ne le connaît pas. Il abandonne son fils aux mafieux. Son fils se fait torturer pendant des années alors qu'il a 14 ans. Enfin, en gros, les rôles des adultes sont très très mal exploités, quoi. Ils ont voulu les utiliser juste comme des murs, mais le problème, c'est que du coup, c'est pas émouvant, malheureusement. Justement, oui, sur l'émotion, en fait, je trouve que l'émotion, elle est faussée parce que, bon, déjà, elle, je la trouve aussi, je crois que c'est beaucoup lié à la comédienne, mais je trouve qu'elle a une gueule très très touchante et on est avec elle parce que elle a une bouille quoi qui moi m'a touchée et m'a parlé. Lui, je trouve qu'il est caractérisé un peu trop comme Monsieur Parfait, mais quoi qu'il en soit, à la fin, s'il y a de l'émotion, pour moi en tout cas c'était mon cas, c'était parce que c'est tragique, c'est horrible ce qui arrive, mais c'est pas pour ce personnage là en particulier quoi. C'est pour n'importe quel gosse, n'importe quelle personne même qui se ferait qui serait dans ces conditions-là et qui se ferait zigouiller. Et je ne sais pas si j'ai besoin de voir pendant 4 minutes son corps dissous dans l'acide être déversé dans l'océan. Non, mais... je ne sais pas si j'ai besoin de voir ça et je ne sais pas quel est l'intérêt là où je suis d'accord avec toi, c'est justement la scène. Mais tout le film est basé sur le principe qu'elle essaie de le retrouver parce qu'elle est amoureuse de lui, donc ils ont dramaturgiquement très peu de scènes pour nous montrer qu'ils sont amoureux. Exactement. donc il le caractérise comme Monsieur Parfait quoi. C'est-à-dire, il est beau gosse, il a mis des papillons, d'ailleurs les papillons viennent se poser sur lui magiquement, il la sauve d'un chien, il sait faire du cheval, enfin c'est le mec, il faut se marier avec lui quoi. Mais ça s'explique parce qu'ils ont très très peu de scènes pour le caractériser, et vu que tout le film est basé sur ça, ils étaient obligés de le faire. Mais ça aurait été sympa que ce soit aussi un petit con, pourquoi pas. Ça aurait été intéressant de dire, est-ce que se voir un petit con se faire torturer, est-ce qu'on aurait plus ou moins d'empathie. Mais bref, oui, Remix, et on finira avec toi. Eh ben, moi, je finirais par dire que niveau émotion, justement, bah, j'ai été touchée. Je trouve qu'en tout cas, il y a une proposition. Peut-être qu'il y a des films comme ça, mais j'ai pas le souvenir d'avoir vu une histoire de mafia traitée du point de vue adolescent, un mélange des genres polar, teen movie. Je sais pas. Je dis pas que le film a pas de faiblesse, mais ça m'a bouleversée. Je suis sortie de là, j'étais profondément touchée. Est-ce que ça donne pas envie d'aller en Italie, non? Mais je revenais d'Italie, c'est peut-être aussi pour ça. Jacoby, voilà. Par Your Name, m'a pas donné envie d'aller en Italie, et ce film encore moins. Mais sans moins. Celui-là, et ben d'ailleurs, en plus, je vais en Sicile bientôt, donc j'irai faire un petit côté de la mafia. On termine tour final sur ce film, Marine? Non, moi, j'ai eu du mal à comprendre vraiment l'histoire. Okay. Je me suis un peu perdue. Remix? Bon, bah, au risque de me répéter, je recommande absolument ce film que j'ai trouvé très sensible, puissant, et c'est un vrai coup de cœur pour moi. Mais quel envolée lyrique. Sarah? Moi, je trouve ça difficile de ne pas recommander parce que je trouve que c'est très louable de faire un film anti-mafia. Et vraiment, les intentions sont louables, mais j'ai trouvé le film ne m'a pas suffisamment touchée et j'ai trouvé ça très glauque. Ok, d'accord, Fiona. Je comprends qu'on puisse aimer, vraiment. Mais pour moi, c'est vraiment trop contemplatif. Il n'y a pas assez de dramaturgie. Et par contre, je suis complètement contre. Et je crois qu'ils l'ont aussi même commercialisé. Enfin, ils l'ont marketé en étant justement une adaptation, enfin une reprise du mythe de Roméo et Juliette. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. C'est pas parce qu'il y a des jeunes qui s'aiment que c'est Roméo et Juliette. Faut arrêter avec ça. Et qui meurt. Voilà. C'est pas. Ça suffit pas à faire Roméo et Juliette. En plus, il y en a qu'un qui meurt. Donc. Voilà. En plus. Peut-être pas. Oui, c'est un film que j'ai trouvé globalement ennuyeux, mais je peux comprendre qu'on aime, comme toi, si on aime l'Italie ou la mafia. Bon, écoute, Marie, c'est à. On termine avec Sans un bruit, écrit par Brian Woods, Scott Beck et John Krasinski, qui joue Jim dans The Office, pour ceux qui connaissent. Et c'est... Oui, j'ai dit quoi? J'ai dit Krasinski, excusez-moi, pardon, les noms polonais. Et c'est Marine qui nous le pitch. Nous sommes en 2020 et des extraterrestres ont envahi la Terre, ou en tout cas, on ne sait pas, mais ils sont là, puisque le film démarre et l'invasion est déjà, voilà, déjà arrivée. Et ce sont des extraterrestres qui ont la particularité de réagir au moindre bruit et qui donc attaquent les humains. Littéralement, ils les bouffent. Dès qu'ils entendent du bruit, ils leur sautent dessus et ils les mangent. Et donc, on suit une famille qui tente en fait de survivre dans le silence. Très bien, alors ce film, je vais commencer par donner mon avis, excusez-moi, parce que j'ai trouvé ça scénaristiquement catastrophique. Je comprends pas comment on peut avoir de l'empathie pour c'est les parents les plus bêtes et irresponsables de l'histoire du cinéma. Pour raconter la première séquence, ils vont en ville pour aller chercher des médicaments et des objets, et en rentrant, ils laissent le gamin le plus faible, le plus petit, en bout de cordée. N'importe quel ado de 15 ans qui a passé son BAFA sait qu'on ne marche pas comme ça. Il y a toujours un adulte devant, un adulte derrière. Qu'est-ce qui se passe? Il meurt. J'ai envie de dire, bien fait pour ta gueule. Mais bien ils passent leur vie à le regretter après. Mais pourquoi il le regrette? Parce qu'il dit, j'aurais dû le porter. Toi aussi, tu fais des erreurs, Guillaume. Mais tout le temps. Mais j'aurais dû le porter. Non, t'aurais pas dû le porter, t'aurais dû te mettre derrière lui pour le surveiller. C'est ça que t'aurais dû faire. À partir du moment où ça, moi j'ai aucune empathie pour eux. Le gamin il meurt, j'ai tant mieux, il était débile. Et les parents, tant mieux, vous étiez débile. Voilà. Sarah, je t'en prie. Moi j'ai vraiment aimé. J'ai pas l'habitude de voir des films d'horreur ou des films à suspense, c'est plutôt un thriller. Thriller. Parce que j'ai pas trouvé ça très gore. Plus dans la lignée de La Guerre des Mondes ou ce genre de choses, même si j'avais même pas pensé que c'était des extraterrestres, c'est marrant que tu pitches comme ça. Oui, on sait ça, pas pourquoi. On sait pas en fait. Hein. J'ai dit non, on sait pas. Mais en fait, c'est un mystère, mais c'est j'ai trouvé qu'il réussissait vraiment à créer une super tension tout au long du film. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'exposition. Enfin, ils sont doués parce qu'ils ont fait une exposition qui fonctionne avec des titres de journaux, très peu de paroles. Et on comprend ce qui se passe globalement. Moi, j'étais vraiment avec cette famille. J'avais vraiment envie qu'ils s'en sortent. Et je trouve que l'idée d'installer, du coup, cette femme enceinte, parce qu'on apprend qu'elle est enceinte au bout de 20 minutes, et que, évidemment, c'est un danger énorme, parce que quand elle accouchera, ça risque de faire beaucoup de bruit. Alors voilà, je trouve que c'est pas forcément extrêmement bien verrouillé, le fait qu'elle tombe enceinte, parce qu'on se dit, déjà, elle aurait pu prendre la pilule, parce qu'apparemment, ils ont plein de médicaments. Merci. Quand tu vis dans un monde comme ça. Mais quelle idée de faire un gamin quand tu vis dans un monde comme ça? Mais justement, alors je trouve que c'est justement ça qui m'intéresse, c'est-à-dire que je trouve que dans ce film, par exemple, la grossesse, je trouve ça pas très bien verrouillé, mais en termes d'émotion que ça t'apporte, en termes de time lock, et en termes de tension, je trouve que c'est formidable. Et là, on a un vrai exemple de scénario comme je les aime, c'est-à-dire tout n'est pas forcément verrouillé. Oui, ils laissent le gamin à l'arrière de la cordée, oui, ils font des erreurs, mais en fait, ça te procure des émotions très fortes. Et du coup, je trouve que c'est réussi. Ok, Fiona. Je suis d'accord. Alors, je trouve que moi, j'ai trouvé ça pas mal du tout ce film. Je suis pas non plus une habituée des films d'angoisse. Et ce genre de choses-là. Mais en fait, je trouve qu'ils tiennent bien leur concept, c'est assez malin. Que le silence, il est rarement exploité à ce point-là au cinéma, et je trouve que c'est assez original. Il y a effectivement des erreurs de scénario. Pour moi, j'en ai trouvé deux, les deux plus grosses, et j'ai trouvé peut-être une solution pour les arranger. Alors effectivement, cette grossesse qui pour moi n'était pas voulue, sinon effectivement bande de gros débiles. D'ailleurs, je pensais d'ailleurs que ça aurait été super émouvant qu'elle était tombée enceinte, donc sans faire exprès selon moi, et que le petit couffin qu'il préparait, c'était pour tuer l'enfant à sa naissance. C'est un film familial. Ouais, c'est pour ça que c'est une famille avec des enfants. Bah, oui, mais bon, on n'emmène pas ton gosse de 4 ans voir ça, a priori. Mais je me suis dit que ce serait sympa. Enfin, sympa, non. Ça aurait pu être très émouvant de dire mince, on est tombé enceinte, on est coincé. Ce bébé va tous nous tuer, clairement. Donc, faut qu'on le tue joliment, on va dire. Mais voilà, on va le tuer dès qu'il va arriver, parce qu'on ne peut pas s'avorter tout seul, sinon on risque de mourir. Bon, bref, ça, c'était une chose. Et l'autre problème, c'était comment ça se fait que personne, depuis le temps, n'a trouvé l'antidote contre ces créatures. Merci. Avec la fréquence. Juste, voilà, effectivement, tu te dis quand même. La fréquence, le son, ils entendent. A priori, il y a quand même des gens un peu malins qui peuvent réfléchir qu'il y a sûrement des sons qui vont les rendre fous, quoi. Donc, pour régler ces deux gros problèmes, à mon sens, c'est une question de timeline, de temps. Au lieu de faire 89e jour, puis 472e jour, tu restes au 89e jour. Elle est déjà enceinte de 3 mois. Enfin, donc, ça veut dire qu'elle était tombée enceinte avant que ça arrive. On est encore dans les recherches pour savoir comment on se débarrasse de ces créatures-là. Et ils ont déjà le bébé prévu. Donc tu mets ça là-dedans et tu mets une semaine d'ellipse pour le deuil éventuellement avec pour pleurer le petit gamin. Mais t'as pas besoin de faire une ellipse grande parce que rien n'a changé quasiment entre le 89e jour et le 472e jour. Oui, non, c'est une bonne idée. Remix. Non, vas-y Marine, tu voulais. Par rapport à ce qu'a dit Fiona, alors moi j'ai vraiment pas aimé le film pour le coup. Je suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites. Déjà, j'aimerais qu'on m'explique la scène où la gamine comprend que c'est son parce que elle est sourde. Et donc elle a, je sais plus comment ça s'appelle, l'appareil que t'as derrière l'oreille. Sonotone, voilà, merci. Et elle comprend que c'est la fréquence de son sonotone qui dérange plus ou moins les extraterrestres ou les bestioles, je sais pas ce que c'est. Cette scène est incompréhensible pour moi. Elle regarde les papiers, elle regarde le son, elle regarde le micro, et boum, soudainement, ça y est, elle a compris, hop, elle monte le son. En quoi cette scène est différente de toutes les scènes avant où il s'est passé à peu près la même chose et où t'entendais le son? Bon, là, elle a pas réalisé, ça c'est normal, on sent qu'ils ont essayé de monter effectivement, qu'à chaque fois il y a un petit indice supplémentaire, sauf qu'en fait il y a zéro indice, et qu'au moment où arrive la scène où vraiment il faut qu'elle comprenne, pour moi il n'y a aucune, c'était une scène qui était intéressante et qu'il fallait faire, mais pour moi ils n'ont pas trouvé la solution pour te faire comprendre qu'elle a compris, ça y est, comment exploser ces extraterrestres. Et pour finir là-dessus, en plus ça ne fait que l'assommer, parce qu'il se relève, et à la fin elle le termine avec un gros fusil quoi. Donc tu dis, au final, pour se débarrasser des extraterrestres, il suffit juste d'avoir un gros fusil, ils auraient peut-être pu y penser avant. Non, sur le fusil, moi ce que j'ai compris, c'est que ça l'affaiblit et ensuite il lui tire dessus. Parce qu'il montre une image de journaux avec les militaires qui tirent dessus, oh mon dieu, ils sont indestructibles. Donc pour Pensé avant. Et ensuite. Justement, alors la transition, moi sur le avant du film, je crois que c'est ça qui m'a le plus dérangé parce que je trouve que au niveau de la forme, et globalement, oui, c'est bien tenu, oui, c'est original, oui, il y a une tension. Ok pour tout, mais ces films-là, comme j'ai pensé à The Last Girl ou The Walking Dead ou même Black Mirror, c'est quand même des films en général qui sont des critiques. On est en 2020, des films qui sont critiques sur notre société. Et moi, je n'ai pas compris. En fait, j'ai manqué d'infos sur ce que ça veut me raconter. Bah rien. En fait, oui, mais j'ai rien problème, vu quoi. Parce qu'il y a quand même, il y a le potentiel. Je veux dire, il y a des extraterrestres. D'où ils viennent? Pourquoi ça rejoint ce que tu disais sur pourquoi personne dans tous les scientifiques de la planète, personne n'a pensé à ils sont aveugles. Par contre, ils réagissent avec le son. Mais si on allait dans les très très hautes fréquences ou les... Non, personne n'y a pensé. Même dans Mars Attack, au niveau de la forme, j'accepte le film, mais au niveau du fond, je comprends pas ce qu'on veut me raconter. D'accord, Camille. Je rebondis. Alors, personnellement, j'ai été en empathie avec cette famille. Elle était très bien habillée, même enceinte. C'était très, très, très agréable à regarder. Elle a accès à toutes les boutiques qu'elle veut. Exactement. Mais ils sont au milieu des champs, au milieu de nulle part. Elle a accès à rien du tout. C'est vrai, elle a rien d'autre à foutre. Elle a toutes ses phrases. On s'en fout. Effectivement, je suis d'accord avec Marine. Qu'est-ce qu'il voulait raconter au fond? Je prends un exemple très concret. Black Mirror, il y a un épisode où ils ont des chiens de garde qui se retournent contre les gens qui les utilisent et qui les tuent. Or là, ça parle du silence, ça parle du manque de communication. J'ai l'impression que vers la fin du film, quand le père de famille, oui, il meurt, je suis désolée, il dit à sa fille qu'il l'aime juste avant, et elle a l'impression tout le long du film que est-ce que c'est un peu de sa faute? Bon, c'est même carrément de sa faute s'il est mort, le gamin de 4 ans. Mais absolument pas. Alors là, c'est elle qui lui a rendu. C'est un problème. La faute du gamin qui, même à 4 ans, non, est un débile profond. Non, c'est pas vrai. C'est la faute de la mère qui s'est pas mise derrière lui. Bon, peu importe. En tout cas, elle se blâme et son père, elle a l'impression, ne lui a pas dit qu'il l'aimait. Voilà. Et donc c'est un problème de communication clairement, mais c'est pas assez tiré. Et c'est juste une seule scène, mais il faudrait que ça soit tout le film, tout autour de ça. Je suis complètement d'accord avec ça. Ils finissent le conflit final là-dessus quoi. Peux rebondir. Vas-y, moi je suis complètement d'accord, ça manque de... En fait, pourquoi est-ce qu'on nous raconte une histoire où on n'a pas droit de faire du bruit? Qu'est-ce que ça veut nous raconter? Mais à l'inverse, je trouve que en fait ils ont exploité ce que ça crée, un monde où il y a plus de bruit, c'est-à-dire un monde où il y a plus de musique, où tu peux plus rire, où tu peux plus crier de colère, etc. Et tu te demandes à un moment dans le film en tant que spectateur, est-ce que ce monde vaut la peine d'être vécu? C'est très intéressant. Tu te poses vraiment la question et tu te dis la voix humaine, etc. Ça nous manque. Et il y a un moment très beau, je trouve, où ils dansent l'un avec l'autre, qui peut être assez cliché comme ça, mais où tu te dis ah mais c'est vrai qu'ils ont des écouteurs, qu'ils écoutent de la musique, mais ça nous manquait quoi. Ça nous manquait dans le film et je trouve qu'ils l'ont bien exploité. Le problème c'est en amont en effet de qu'est-ce que ça nous raconte au fond pourquoi est-ce qu'on n'a plus le droit de faire du bruit. D'accord, Marine. Mais justement, moi, c'est le problème. Je trouve que c'est pas exploité parce qu'il y a zéro conflit. Les personnages ne sont pas du tout caractérisés. Le seul conflit, c'est exactement ce qu'a noté Camille. C'est la gamine qui se blâme parce qu'elle croit qu'elle est responsable. C'est un gros conflit dans la relation père-fille. C'est une super ligne de relation père-fille. C'est une super ligne et franchement, celle-là, elle marche très très bien. Mais autour, les personnages sont pas du tout caractérisés. Il y a aucun conflit. Moi, j'aurais voulu voir effectivement une histoire avec le gamin, avec la mère, que avant ils aient des conflits qu'ils peuvent plus régler parce qu'ils peuvent plus se parler. Comment tu règles un conflit familial quand tu ne peux plus t'exprimer? En l'occurrence, c'est d'accord. La mère et la fille, elle est sur le sujet. En même temps. Et le sujet, comme dit Camille, c'est la communication. Et là, tu peux plus faire. Et ça, ça aurait été vraiment très intéressant de le filer et de rentrer vraiment dans cette histoire. Et moi, ce que j'ai regretté, c'est qu'il y en a beaucoup des films comme ça, d'horreur ou thriller, comme tu veux. Et là, c'est toujours la même chose. On prend une famille, des gamins qu'on ne caractérise pas. On les met parce qu'on a juste un high concept. On les met dans un univers survival. Et puis, comme par hasard, celui qui a la solution, c'est un des enfants qui est, c'est comme signe, hein, c'est la même structure, c'est exactement pareil. C'est la gamine qui a la solution parce qu'elle a son sonotone. C'est extrêmement basique et il y avait des bonnes pistes. Je trouve que ce que tu disais sur la femme enceinte, effectivement, en termes de réel et la manière dont c'est montré en tension, ça marche extrêmement bien. Mais le reste, c'est pas travaillé. Et c'est vraiment dommage parce que oui, le concept était intéressant. Et la mécanique. Là où il y a d'autres problèmes quand même, c'est pourquoi vivre à la campagne? Pourquoi vivre isolé de tous avec des bêtes passionnées, aller dans une ville, aller au sommet d'un immeuble, les bêtes pourront pas vous choper. Vous savez où ils vous auraient pu parler? Dans un studio d'enregistrement. Tout le monde est mort. Allez vivre dans un studio d'enregistrement avec des portes insonorisées, vous vivrez normalement au lieu de vivre dans la campagne. Et pareil, pour tous ces détails qu'ils auraient pu rajouter, genre le clou là, t'as dit qu'il n'y a pas de conflit. Il y a eu un clou quand même. T'as pas rappelé. Tout est extérieur. Ça t'a pas rappelé maman, j'ai arrêté l'avion. Des obstacles même. Non mais, excusez-moi, mais enfin, Jim est quand même caractérisé, j'ai oublié son vrai prénom, caractérisé comme quelqu'un d'extrêmement bricoleur. C'est des bestioles extrêmement stupides qui sont extrêmement faciles à piéger. Il y a un moment, la femme, elle le piège avec un cocotte minute, quoi. D'ailleurs, pourquoi tu gardes un cocotte minute chez c'est toi? C'est un réveil. Alors, c'est un réveil. C'est un minuteur pour qu'elle mesure ses contractions. Enfin, bref, pour moi, c'est un cocotte minute, mais peu importe. Je veux dire, on est aux États-Unis, c'est quand même facile de trouver des armes et des explosifs. Jim aurait construit un espèce d'appareil pour faire du bruit. Toutes les bestioles seraient là, il aurait fait péter 20 points de C4, elles seraient toutes mortes, les bêtes. C'est même pas besoin. Jim est caractérisé quand même. C'est extrêmement facile de s'en sortir dans cette situation et ne font rien à part subir. Fiona. Alors je suis assez d'accord sur tout ce qui a été dit, même si j'ai pris beaucoup plaisir à le voir, je suis d'accord sur le thème, ça aurait été beaucoup mieux, beaucoup plus intelligent. Je suis d'accord sur le fait qu'il y avait plein d'autres solutions, mais dans ces cas-là, en fait, tu fais pas de film, donc t'es un peu coincé, t'es bien obligé d'accepter quelques... stupidité des personnages. Non mais tout le monde a besoin d'avoir explosif dans ton salon. On est aux États-Unis. On est aux États-Unis. Non, mais pareil, faut pouvoir y aller aussi, faut pouvoir se déplacer. Si tu vis déjà à la campagne, t'es vite coincé. Comment tu te déplaces jusqu'à l'autre bout de la terre? Non mais déjà, pourquoi s'il marche pieds nus? Mettez des chaussettes. Enfin, quel intérêt de marcher pieds nus déjà? Oui, pour mettre des chaussettes. Mieux sentir le bruit. Mais peu importe. Tout ce que ce que j'aime bien dans ce film, c'est que déjà, pour le thème, c'est quand même, je l'ai vu comme un film de divertissement avant tout. Et oui, ça aurait été beaucoup mieux avec. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'a. J'étais perturbée. c'est un film de divertissement. J'aurais préféré, ça aurait été vachement mieux avec un thème, un message, un sujet, mais il est quand même, c'est quand même pas mal par rapport à plein d'autres films qu'on peut voir, et je trouve que c'est louable de faire ce film-là. Et au niveau de la mécanique de l'angoisse et tout ça, c'est quand même assez malin. Voilà, je trouve que c'est un film malin de sursauter quand il y a un bruit d'assiette sur une table. Voilà, je trouve que tu vois, on pose une assiette un peu trop rapide. Ah, attention! Remix, avant que je donne la finale fin, pourquoi il y a une scène où ils essayent de faire un faux suspense avec une lampe à huile? Pourquoi est-ce que vous avez une lampe à huile? Il y a l'électricité partout. Jim a 14 écrans branchés en permanence. Il s'éclaire avec une lampe à huile. Des bougies pourquoi partout d'ailleurs. Pourquoi vous avez du courant partout? Clairement, vous n'avez pas de problème de courant. Rumix, est-ce que tu veux dire un dernier mot? Oui, je voulais juste dire un dernier mot parce que quand je regardais le film, je repensais à Get Out, film à suspense aussi, qui est sorti l'année dernière, il me semble, et qui était, je trouvais, enfin, qui était excellent en fait, parce que même côté huis clos, même tension, enfin, mais beaucoup mieux exploité, avec une vraie morale, un vrai message. Et en fait, je suis pas d'accord. Pour moi, on ne peut pas se limiter qu'à un concept, un high concept. Enfin, si, on peut, mais du coup, moi, je ne vais pas avoir l'adhésion que j'ai pu avoir pour Get Out. Ça m'a manqué d'avoir un peu cette profondeur au niveau de la thématique. Et pourtant, tu l'as eu sur Cécilienne Ghost Story qui ne raconte rien. Eh oui, comme quoi. Okay, allez, tour final sur ce film, Marine. Non, moi j'ai pas du tout aimé. J'en ai marre de ce genre de film qui se contente de son concept et qui développe pas son scénario, ses personnages. Oui, ça marche en termes de mécanique d'angoisse. Hein, c'est clair qu'on sursaute tous dans la salle, mais franchement, aucun intérêt. Quoi. James Care, on les voit venir à 20 km. Remix ? Bah, je veux dire la même chose que Marine. Je trouve que au niveau de la forme, c'était pas mal, qu'il y a quand même une originalité qui est indéniable, mais j'ai vraiment manqué d'informations sur le fond et de profondeur. Ok, Sarah ? Bah non, moi à l'inverse, je trouvais que c'était plutôt un bon film de divertissement. Après, je suis d'accord sur cette histoire de thème pas vraiment exploité. C'est un peu dommage. Voilà. Ok, Fiona. Ils ont bien exploité leur concept sur les dangers qu'il y avait avec la grossesse, la gamine qui est sourde, donc du coup qui est encore plus à risque parce qu'elle ne va pas entendre le bruit qu'elle peut faire autour d'elle. Je trouve ça malin. Ça aurait pu être beaucoup mieux. Il y a des jumpscares très facile, notamment celle de la main dans la douche voilà, des jumpscares déjà exploités mille fois, okay. Mais c'est chouette, voilà. Okay. C'est agréable à regarder. J'ai trouvé que le concept était intéressant, j'étais en empathie avec les personnages, je trouve ça effectivement dommage qu'ils étaient un peu fainéants, qu'ils n'ont pas poussé le film un peu plus loin, mais ça a du potentiel, et bon, si les gens aiment avoir peur... Allez voir ça. Ce film est quand même assez divertissant, même si je trouvais extrêmement mal écrit. Enfin, il y a de la simplification partout. Et juste le dernier plan du film, c'est quand même parce que Jim se sacrifie en plus, hein, oublier, mais Jim se sacrifie évidemment pour sa famille. Ah oui, et Jim est extrêmement beau. Et extrêmement beau. C'est vrai qu'il y a la classe dans ce film. C'est vrai. C'est vrai. La dernière scène, quand même, donc il y a la fille qui attire toutes les bêtes et qui utilise le micro parce qu'ils ont mis des haut-parleurs partout. Pourquoi on ne sait pas, vu que c'est au monde, il ne faut pas faire de bruit. Mais ils ont mis des micros partout pour attirer les bestioles. Et le dernier plan finit sur la meuf qui recherche son fusil à pompe. Le dernier qui a fait ça, c'est Resident Evil. Et c'est pas un compliment. On termine avec les courez ou fuyez de la semaine. Marine ? Je vais faire de l'autopromo. Regardez Furiki sur France 4. C'est une super série d'animation réalisée par Frédéric Martin. Voilà, je vous la conseille, c'est très bien. Profitez-en pendant que France 4 existe encore. Absolument, dépêchez-vous, regardez cette série, c'est très chouette. Remix ? Moi, je vais recommander une web-série qui s'appelle French Kiss, qui a été créée et réalisée par Gary Kikoin. C'est des épisodes de 3 à 5 minutes. Pour l'instant, il n'y en a que 3 de sortie, parce que c'est 100% autoproduit, diffusé sur Facebook uniquement. Et c'est une série qui est humoristique et qui raconte des scènes de la vie quotidienne autour du sexe de façon assez drôle et inattendue. Voilà. Ok, Sarah ? Moi, je recommande un livre que j'ai terminé récemment, qui est une saga italienne qui s'appelle L'Amie prodigieuse, que je sais que beaucoup à cette table ont adoré, n'est-ce pas Camille ? Bon, oui. Seulement Camille et moi. Et Marine, et qui va en fait être, qui est déjà en tournage pour une série coproduite avec Canal. J'ai vraiment hâte de voir l'adaptation et c'est une très belle saga sur l'amitié féminine et ça se passe dans un quartier à Naples, un quartier défavorisé sur 10, 20, 30 ans puisque ça part du moment où elles sont toutes petites jusqu'au moment où elles deviennent vieilles. Franchement, c'est fascinant, c'est très divertissant et je vous le conseille comme une bonne lecture d'été. Fiona ? Moi, je vais vous conseiller un artiste de musique sur SoundCloud. Il s'appelle Aware Hardware. C'est de la musique électro. C'est sympa parce qu'il y a plus, il y a pas de paroles, donc pour travailler c'est super pour ceux qui travaillent en musique et qui veulent pas être distraits par les paroles. Et en plus c'est un de nos auditeurs puisque il a récemment fait une chanson qui s'appelle Stories où il reprend des extraits de notre podcast où l'on débattait sur Call Me By Your Name. Donc voilà, Aware Hardware sur SoundCloud, c'est vraiment très sympa. Que de souvenirs. Camille ? Je recommande un vieux film, mais je l'ai découvert récemment sur Netflix, c'est Kramer contre Kramer. Oh. Je trouve ça très... Oui, je sais, je le découvre que maintenant, mais... Tu as le droit, je sais, je suis en retard, je suis à la bourre, mais je trouve ça très touchant. Si peu. Des deux côtés. Des deux, pour les deux Kramer. Très bien. Et ben, moi, je vais très vous bon recommander film. Une BD écrite par Florence Porcel, et qui s'appelle Mars Horizon, et ça raconte l'histoire que si les hommes arrêtaient d'être cons et qu'on s'unissait tous pour aller dans l'espace, et c'est l'histoire d'une d'agence spatiale qui arrive sur Mars et qui s'implante pour définitivement, c'est-à-dire qu'il y a une des personnages qui ne se sentait pas terrienne et qui arrive sur Mars pour s'installer définitivement, elle ne repartira jamais, et ça, c'est extrêmement émouvant, ça parle de l'espace et je vous la recommande chaudement. On s'arrête là pour cette fois et puis on se donne rendez-vous dans 2 semaines. N'oubliez pas que vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de C'est quoi le pitch, et à dans 2 semaines.